Vous avez chacun votre son, mais vous avez tous le même défi. C'est pourquoi AXA crée Relance Pro, un programme pour accompagner la relance de votre activité. Relance Pro, c'est 350 000 entreprises et professionnels aidés pendant la crise et des juristes de la protection juridique d'AXA qui répondent à vos questions. AXA, partenaire de votre relance. AXA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pro.axa.fr. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de l'école de Francfort. Aujourd'hui, premier temps, la théorie critique, une nouvelle philosophie. Théodore Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, puis Jürgen Habermas, je vous présente les philosophes et intellectuels qui vont vous accompagner cette semaine pour retracer l'histoire passionnante de ces intellectuels allemands qui, dès 1923, se sont regroupés dans l'Institut de recherche sociale de l'Université de Francfort pour mettre au point ce qui deviendra une théorie critique. L'histoire de l'école de Francfort est celle de la possibilité pour la philosophie de proposer une critique sociale du capitalisme et d'interroger la possibilité pour les chercheurs et intellectuels de s'insérer de manière directe dans leur temps jusqu'à aujourd'hui. Mais commençons par le début et rejoignons Francfort dans les années 30. Prêt pour le décollage, relevez vos tablettes, attachez vos ceintures et à l'arrivée, préparez-vous au pire. Also, das mit dem Hitler weg. So they call me concentration camp, yeah. Si vous érigez en principe qu'un homme a le droit de supprimer son prochain improductif, un jour, vous serez, nous serons tous ici, improductifs. Wird mal vernünftig, Prost! La fameuse chaleur humaine tant vantée par notre Reichsführer. Nous devons réduire 11 à 12 millions d'unités en Europe. Le Führer veut en finir avant 1948. Nous consacrerons l'année 1949 au reste du monde et 1950 sera une année sympathique. Heil Meister. Trägt er im Gesicht und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Bonjour Jean-Marc Durand-Gasselin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de m'avoir invité. Dans quelle mesure le contexte historique et celui de l'Allemagne dans les années 30 est-il nécessaire pour comprendre la naissance et le développement de ce qu'on appelle l'école de Francfort ? Alors il y a le contexte des années 30, mais il y a aussi le contexte des années 20, il y a le contexte d'avant la guerre. Disons que on peut présenter la chose un peu comme une sorte d'oignon avec des couches de contexte qui se superposent. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que ça c'est une toile de fond qui est quand même très importante. L'Allemagne est rentrée dans la modernité industrielle de manière extrêmement accélérée. C'est un pays qui s'est industrialisé et urbanisé extrêmement vite. Donc il y a ce premier élément-là, ça c'est les années vraiment 1880-1890. Et la démocratie n'a pas absolument du tout en Allemagne ces grandes lignées héroïques qu'elle a en Angleterre et en France. Et donc on a, une bourgeoisie allemande qui ne profite de libertés qui n'ont été qu'octroyées. D'où cette formule qui va beaucoup marquer quand même l'esprit du temps, c'est la cage d'acier de Weber. Et donc on a. Qu'est-ce que ça veut dire cage d'acier ? Alors cage d'acier, ça veut dire c'est une traduction de de habitacle dur comme du fer, c'est cette idée que la modernité a un caractère à la fois enveloppant et en même temps extrêmement dur et rigide, parce que c'est la grande industrie, parce que c'est un pouvoir concentré, c'est des juristes qui codifient un droit, qui donnent beaucoup de pouvoir au pouvoir exécutif. Et donc la modernité allemande de la fin du 19e siècle est une modernité qui est inquiète, angoissée. Et ça va beaucoup jouer, j'allais dire, comme arrière-plan pour intellectuel, puisque vous avez d'une part un certain romantisme, pessimisme romantique, comme le dit Weber, pessimisme romantique qu'on retrouvera dans toute une branche de l'école de Francfort, Benjamin, Adorno, et d'une certaine façon aussi Horkheimer, même si c'est pas exactement de la même manière. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est évidemment la guerre, la nuit polaire, comme dit encore, c'est-à-dire une forme de pessimisme très puissant qui va commencer à s'installer dans une partie, en tous les cas, des conceptions, des pensées, etc., de l'entre-deux-guerres. Et puis vous avez Weimar qui est une démocratie, mais qui est une démocratie à la légitimité extrêmement faible. Et donc, il y a l'arrière-plan de tout ce que vont concevoir nos penseurs, nos théoriciens critiques. Alors, surtout à la première génération, et c'est aussi quelque chose qui fait débat, des institutions démocratiques qui sont faibles et qui sont peu revendiquées comme telles. Donc, il y aura toujours, même si j'anticipe un peu probablement, il y aura toujours à la première génération ce qui hérite de Marx, la critique centrale de l'état de droit, et plus dans les marges, chez des figures moins connues, mais qui sont importantes aussi, comme Neumann, et évidemment à la seconde génération, Habermas, une défense de l'état de droit, l'idée que l'état de droit, c'est quand même très important, etc. Mais à la première génération, c'est pas du tout ce qui domine. Ce qui domine, au contraire, c'est la faiblesse, l'idée que ça n'a absolument pas pu freiner la montée en puissance du pouvoir de Hitler. Donc première génération, enfin fondation même du mouvement dont on parle, c'est 1923. Voilà, c'est 1923. Donc c'est à l'université de Francfort. C'est le produit du mécénat, c'est un jeune Félix Weil qui a un ami de Lukács et de Korsch, qui sont les deux grands marxistes qui vont compter au milieu des années 20, et qui va demander à son père, Hermann Weil, de donner de l'argent pour un institut d'études marxistes, institut d'études marxistes, dont Karl Grünberg, qui est la première figure importante de le premier directeur de l'institut, va prendre la direction. Alors Karl Grünberg, c'est très intéressant aussi, parce que c'est ce aussi par rapport à quoi va se situe Horkheimer. C'est un marxisme qui hérite d'un certain optimisme. Alors là, vous voyez, c'est plus le pessimisme romantique de la fin du siècle. C'est ce à quoi s'oppose le pessimisme romantique fin de siècle de Weber. C'est au contraire un certain optimisme. C'est le marxisme de l'intégration progressive de la classe ouvrière. C'est un peu la fracture de tous ces intellectuels au regard du marxisme. C'est qu'on peut vraiment le diviser entre, même si les termes sont simples, mais entre optimiste et pessimiste. Alors effectivement, ces tonalités affectives des effets très puissants. Alors c'est des effets d'arrière-plan. Alors souvent, ce qu'il faut arriver à mesurer dans les textes, notamment dans les textes de Adorno, c'est que c'est un pessimisme qui est très méthodologique. Horkheimer avait beaucoup d'admiration pour Adorno parce qu'il disait qu'il avait l'œil aiguisé par la haine, expression que j'aime beaucoup. C'est un compliment ? C'est vraiment un compliment, c'est-à-dire que ça me fait penser à Bourdieu, par exemple. C'est vraiment cette idée que certaines de nos émotions nous donnent une certaine sorte d'acuité cognitive, très grande. Et je pense que c'est vraiment le cas pour Adorno. Donc il y a une dimension expressionniste dans le pessimisme d'Adorno. Alors on va essayer de comprendre tout ça ensemble ce matin. On consacre toute cette série d'émissions donc jusqu'à jeudi à l'école de Francfort, et aujourd'hui on va comprendre les débuts. On va essayer de présenter les acteurs principaux ainsi que les concepts et les lignes de pensée autour desquelles s'articule ce qu'on appelle l'école de Francfort. Le mot lui-même arrive plus tard, 1950. Exactement, il arrive dans les années 50 lorsque l'institut L'institut se remet à fonctionner au tout début des années 50. Voilà, on va l'expliquer. Jean-Marc Durand-Gasselin, avant d'entendre un premier texte, parce que c'est quand même avec les textes qu'on découvre le mieux la pensée des gens dont on parle, vous êtes professeur de Cagnes à Orléans, vous êtes rattaché au laboratoire Sophia Paul de Paris 10. Est-ce que l'école de Francfort est quelque chose que vous enseignez à vos étudiants? Alors en fait, j'enseigne assez peu l'école de Francfort. Enfin, je vais vous pose la question à dessein parce que de toutes mes études de philosophie, je n'ai jamais eu un cours sur l'école de Francfort. J'ai l'impression que c'est pas un sujet de cours. Une réponse, sincère, c'est-à-dire que aucun des auteurs, Horkheimer, Adorno, Net, etc., qui sont des classiques évidemment archi commentés aux États-Unis, en France, ne sont considérés comme, ne font partie du canon des philosophes en France. Ils ont évidemment une importance mondiale très grande. Il y a quelques cours à l'université sur Habermas, etc. Moi non plus, j'ai pas du tout, lorsque j'ai fait mes études, j'ai pas du tout eu de cours là-dessus. Donc je ne l'enseigne pas à mes élèves, mais en même temps, c'est évident que l'intégralité de mes cours est marquée par cet effet de perspective. C'est-à-dire que je fais presque jamais de cours sur Marx, je fais presque jamais, je parle d'... Et pourquoi pas? Parce que souvent, c'est quand même assez difficile. C'est des auteurs qui présupposent les classiques. Hein. C'est vraiment des auteurs du XXe siècle qui sont pétris de culture philosophique. Et donc, mon rôle de pédagogue, c'est d'abord d'apprendre les fondamentaux à partir desquels on arrivera à mieux mesurer ce qu'ils apportent. Et voilà, disons, c'est à la fois dommage et en même temps, vous voyez, souvent, je prends des positions critiques comme ça quand je fais une blague, par exemple, ou quand je commente l'actualité parce que je sais pas quoi, un moment du cours s'y prête, en étant très inspiré par Adorno, Habermas. Ou Honnête, c'est vrai que... Axel Honnête, c'est la troisième génération, c'est vraiment le grand philosophe des mouvements sociaux. Aujourd'hui, il y a MeToo. C'est vraiment une référence centrale qu'on peut utiliser, qui est extrêmement éclairante. En plus, Honnête, c'est plutôt plus facile à lire que Adorno et Habermas. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être plus l'objet d'un cours d'enseignement supérieur. Il y a une autre raison peut-être au fait que les penseurs de l'école de Francfort ne sont pas enseignés tôt, du moins dès la terminale, voire même dès la Cagne. Eh bien, vous allez écouter le texte et vous allez sans doute comprendre pourquoi. Voici un extrait de la situation actuelle de la philosophie sociale et les tâches d'un institut de recherche sociale de Max Horkheimer, 1931, lu par Hélène Losseur. Aujourd'hui, il s'agit, et je ne suis certainement pas le seul à avoir ce point de vue, d'organiser sur la base du questionnement philosophique actuel des investigations auxquelles se joignent des philosophes, des sociologues, des économistes, des historiens, des psychologues, dans une durable communauté de travail, afin de faire ensemble ce qu'en d'autres domaines on peut faire seul en laboratoire. De faire ce que tous les chercheurs authentiques ont déjà fait. Plus précisément, de poursuivre au moyen des méthodes scientifiques les plus fines les grandes questions de la philosophie qui sont les leurs. De préciser et de transformer les questions en fonction de l'objet tout au cours du travail. De trouver de nouvelles méthodes sans pour autant perdre de vue l'universel. De cette façon, on ne répond pas par oui ou par non aux questions philosophiques, mais elles sont elles-mêmes intégrées dialectiquement au processus de la science empirique. Ce qui veut dire que leur réponse réside dans le progrès de la connaissance objective qui influence leur forme même. En théorie sociale, un individu ne saurait assumer une telle ligne de conduite, tant en raison de la richesse du matériau qu'en raison de la diversité des sciences auxiliaires indispensables. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie qui vous emmènent sur les pas de l'école de Francfort cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Jean-Marc Durand-Gasselin qui enseigne la philosophie en Cagnes à Orléans. Voilà peut-être une autre des raisons qui explique que Max Horkheimer, entre autres, soit peu étudié, en tout cas tôt dans les études de philosophie, c'est que, disons-le, ça va rassurer les auditeurs, ils se sentiront moins seuls, c'est que ce sont des textes très difficiles. Alors effectivement, c'est des textes difficiles, et pourtant, le texte que vous avez lu est vraiment loin d'être... Non, bah oui, parce que ça, on a essayé de faire lire les plus compréhensibles. Voilà, c'est ça. Donc, mais on pourrait s'arrêter à chaque mot, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, science empirique? En fait, ce texte, c'est vraiment un texte de prise de fonction. Horkheimer est assez jeune, alors... Horkheimer, il faut avoir... Oui, dites-nous, présentez-nous Horkheimer. Alors, c'est un juif allemand. Ses parents sont riches. C'est quand même important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais milité. C'est quelqu'un qui a fait une thèse sur Kant. C'est quelqu'un qui a écrit des romans policiers qui ne sont pas parus. Donc on a un esprit qui est très éclectique, qui a été choisi pour succéder à Carl Grünberg, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour son profil très modéré, assez peu marqué sur un plan marxiste ou marxisant. Et donc c'est quelqu'un qui arrive très jeune à la tête d'un institut et qui donc se voit doué d'un pouvoir institutionnel très très grand. Et donc on a ici un texte qui est assez modeste dans sa facture et qui va lancer les programmes de recherche et donne, comme souvent Horkheimer le fait, le cadre philosophique général à partir duquel vont s'engager les projets de l'école de Francfort. Alors là, ce qui est extrêmement intéressant à mon avis dans l'extrait qui a été lu, c'est que c'est l'interdisciplinarité. Voilà, la pluridisciplinarité, voilà. On entend tout de suite un endroit où se rejoignent des philosophes, des sociologues, des économistes, des historiens et des psychologues. Donc voilà, donc Habermas, c'est la génération d'après. Ce que Horkheimer va vouloir faire, c'est réunir des compétences et des spécialités qui, de toute façon, étant donné la dynamique de différenciation des savoirs qui est extrêmement grande, enfin, je veux dire, nous on a toujours en France l'imaginaire de l'intellectuel total, etc. Et puis on a appris à se méfier de ceux qui ont une sorte de compétence universelle qui cache une sorte de demi-savoir, les demi-habiles, comme dit Bourdieu. Et donc là, il s'agit vraiment de faire travailler des économistes professionnels, des psychanalystes professionnels, pour essayer de saisir les tendances contradictoires de la société. L'autre partie, à mon avis, très importante du texte, c'est ne pas perdre le sens de l'universel. Oui. Et donc, c'est prolonger la philosophie avec d'autres moyens dans un contexte qui a changé, c'est-à-dire essayer de savoir ce que veut dire la justice, la vérité, dans une société qui est celle, les sociétés modernes de manière large, mais j'allais dire les sociétés capitalistes organisées du XXe siècle, et évidemment la société allemande de cette époque, des années 20-30, en utilisant une pluralité de perspectives et en essayant d'articuler la pluralité de ces perspectives. Oui, alors avant d'étudier les enjeux théoriques de la fondation de cet institut de recherche, en tout cas de la direction que lui donne Max Horkheimer lorsqu'il en prend la tête, aidez-nous à comprendre le but même, parce qu'on comprend les moyens, effectivement, pluridisciplinarité, utilisation d'une méthode scientifique, y compris en philosophie, croyance en une forme d'universel. Quel est le but? Est-ce que le but, c'est d'essayer de changer les choses, de proposer une résistance politique dans un climat qui est quand même celui de la montée du nazisme, ou bien est-il plus universitaire, plus disciplinaire, d'essayer de faire en sorte que la recherche soit vivante, mais reste dans son laboratoire? Alors, le noyau dur de l'école, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de Horkheimer, etc., sont les gens qui sont sans expérience politique. Ça, c'est quand même très important. Tous ceux qui ont eu une expérience politique ou syndicale appartiendront plutôt au second cercle. C'est le cas de Marcuse, même si ça va être un personnage très important. C'est le cas de Neumann aussi. C'est le cas de il y a un certain nombre de personnages plus secondaires. Donc on a, comme je l'ai dit, c'est surtout le cas pour Pollock, pour Horkheimer et pour Adorno. On a des gens qui ne connaissent pas les duretés de la vie ou ne les connaissent que comme observateurs. Donc c'est quelque chose qui a une facture intellectuelle assez académique et assez universitaire. Mmh. Donc ça c'est évident. Après, ils se pensent eux-mêmes comme des prolongateurs des Lumières. Donc c'est vraiment des gens qui visent l'émancipation en général. Par la raison. Voilà, l'émancipation par la raison, une raison qui n'est plus celle du XVIIIe siècle, mais qui est enrichie par le développement des sciences humaines. Voilà, c'est ça le principe. Donc c'est l'autocritique, voilà, c'est l'approfondissement des Lumières par une raison autocritique qui aurait lu Rousseau, lu Marx, qui s'informe auprès de Freud. Voilà. C'est ça le principe. À certains égards, ce sont des Aufklärer classiques. Ce sont pas du tout des conservateurs allemands qui regardent les Lumières de manière unilatéralement critique. Donc il y a un romantisme, mais c'est pas du tout le romantisme des conservateurs qui veulent évidemment jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais ça veut dire qu'ils tournent le dos en quelque sorte à ce qui est en train de se passer en Allemagne à ce moment-là. Enfin, c'est étonnant de réfléchir sur les capacités de la raison au moment où justement la défaite de la raison sans doute est en train d'advenir en dehors de l'université. Ce que vous dites renvoie à deux choses. Alors d'une part à leur attitude politique, effectivement c'est des universitaires, c'est pas des gens qui ont la mentalité barricade. Voilà, ça c'est sûr que c'est pas des gens qui ont la mentalité barricade. D'ailleurs en Allemagne, il y a une série de défaites successives. Voilà, les barricades, on peut pas du tout faire comme chez nous, si vous voulez, ça a marché. Ça a marché. En tous les cas, il y a des épisodes héroïques là-bas. À chaque fois, ils se sont fait écraser. Bon, voilà. Donc ils sont pas du tout dans la lignée des barricades. Mais en même temps, ce que Horkheimer va très bien saisir, et ça c'est sous l'impulsion d'Eric Fromm, qui est le psychanalyste qui va impulser le premier programme, c'est ils vont essayer de mettre le doigt sur ce qui explique que, alors qu'il y a une crise économique de 1929 qui a des effets de plus en plus délétères en Allemagne, pourquoi est-ce que, alors que ça devrait préparer la révolution dans un schéma marxiste classique, eh bien c'est le contraire. Ça va préparer une fascisation des masses, etc. Et leur angle de recherche, c'est la question de l'autorité. Pourquoi est-ce que se forme un caractère autoritaire chez les ouvriers, chez les employés, dans une partie des classes moyennes? Voilà. C'est donc évidemment que de toute façon j'allais dire de manière un peu générale, l'intelligence, le discours, c'est rarement une force en tant que telle. Il suffit de lire l'histoire. C'est un peu désespérant pour ceux qui en ont fait leur métier, non ? C'est un peu désespérant, disons. Servent les intellectuels si on pas là au moment où il se passe des choses. Si on vit toute sa vie, etc., on sait qu'on aura eu 3 virgules dans une motion, etc., qui aura peut-être in fine. Si on a un courant dans un parti, on peut peser ultimement sur une ligne gouvernementale. Si on est ministre, etc. Enfin, vous voyez, là, les discours, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de ces textes. Alors, la difficulté. Donc, vous appartenez plutôt à la lignée pessimiste, j'ai l'impression, des héritiers. Ouais, non, mais j'appartiens, voilà. Je pense que c'est pour des raisons biographiques. Donc, je me fais pas beaucoup d'illusions sur l'efficacité des discours en général. Mais l'efficacité des discours se mesure aussi sur le long terme. C'est-à-dire que, évidemment, la gloire de l'école de Francfort est en grande partie rétrospective. Rétrospectivement, on se dit, en fait, ils ont eu raison, ils ont mis le doigt sur un certain nombre de choses qui étaient très importantes. Mais vous voyez Habermas, qui est une très grande figure contemporaine, il a pris des positions extrêmement massives sur la manière dont l'Allemagne se comportait avec les Grecs à propos de la dette grecque. Il est toujours écouté d'une oreille distante et respectueuse, mais évidemment, c'est pas lui qui est aux manettes. On en parlera à Habermas mercredi prochain, jeudi prochain. On essaiera de voir ce qui reste de l'école de Francfort aujourd'hui. Restons quand même dans la présentation de cette école. Enfin, puis surtout, vous avez consacré un livre à toute cette école, un gros livre, Jean-Marc Durand-Gassin. Donc, pour quelqu'un qui trouve que c'est pas ce qu'il y a le plus utile, ça vous intéresse quand même. Oui, ça m'intéresse quand même, mais vous savez, probablement qu'on peut moins utiliser directement l'école de Francfort que la sociologie de Bourdieu. Vous savez qu'on peut très bien utiliser la sociologie de Bourdieu de manière détournée, pour comprendre comment s'y prendre, pour utiliser les mécanismes de domination à son avantage. Bon, là, c'est beaucoup plus difficile avec l'école de Francfort. Bon, on va écouter la voix de Max Horkheimer. Figurez-vous qu'elle est disponible, qu'on peut l'entendre. Ici, c'est un extrait d'un film de 1969, un portrait de Max Horkheimer. Écoutez-le formuler la filiation avec la pensée de Karl Marx, qui est décisive pour les penseurs de l'école de Francfort, et les critiques, prononçons le terme, il est si important pour eux, qu'ils formulent à son encontre. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass Karl Marx avait comme idéal une société d'hommes libres. Il pensait que la société capitaliste allait nécessairement être renversée par la solidarité des travailleurs, dû à l'accroissement de leur appauvrissement. Cette idée est fausse. La société dans laquelle nous vivons n'appauvrit pas les travailleurs, mais les aide à avoir une vie meilleure. Et en plus, Marx n'a pas du tout vu que la liberté et la justice sont des concepts dialectiques. Plus il y a de liberté, moins il y a de justice. Et plus il y a de justice, moins il y a de liberté. La théorie critique, comme elle a été développée plus tard, est basée sur l'idée que ce qui est bon, et en particulier qu'une société bonne et libre, ne peut pas être déterminée de l'intérieur de la société dans laquelle nous vivons maintenant. in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmen kann. En cela, nous manquons notre but. Néanmoins, nous pouvons parler des aspects négatifs de la société que nous voulons changer. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On entend dans cet extrait que Marx a raison, mais qu'il a aussi eu tort. On voit bien qu'ici, les distances prises par Horkheimer et puis ses collègues, on va quand même en parler, sont importantes. Que reproche-t-il exactement à la pensée de Marx? Peut-être que l'espèce de renversement automatique de la société capitaliste n'a pas eu lieu et n'aura jamais lieu, en fait. C'est ça qu'il dit. Exactement. C'est en fait l'optimisme historique qui a un côté très 19e siècle chez Marx, d'une sorte de nécessité ultime de l'histoire humaine qui s'accomplirait dans un renversement de la domination en fraternité. Et tout ça, en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'il dit aussi, c'est que on peut opposer la prospérité d'une certaine façon et la liberté. C'est-à-dire que les hommes ont, la révolution industrielle a apporté aux hommes beaucoup de prospérité. On aurait pu croire d'une certaine façon au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on croyait, que la prospérité s'accompagnerait d'un accroissement de la liberté. Mmh. Et ben, en fait, non. En fait, non, à cause de la grande industrie et à cause de la manière dont le pouvoir est obligé pour, réglementer, réguler cette grande industrie, de tous les mécanismes de pouvoir qui doivent être mis en place et qui réduisent considérablement la liberté individuelle, le jugement individuel. Donc ça, c'est le renversement. Ça, c'est vrai qu'il y a un pessimisme qui est très grand de ce point de vue-là. La catégorie de pessimisme est une catégorie qui est extrêmement large et qui évidemment est liée, enfin, doit beaucoup au climat, aux événements, etc., tragiques du XXe siècle, voilà, le siècle des extrêmes. Mais il a aussi une dimension méthodologique, c'est-à-dire que lorsqu'on lit Adorno, par exemple, donc c'est en rapport avec le dernier morceau de l'extrait là. Adorno dit, c'est une déclaration du début des années 60, il dit je sais bien que la RFA, en RFA aujourd'hui, la vie est infiniment plus agréable que dans l'Allemagne des années 30, etc. Mais ça ne doit pas désarmer la capacité qu'a la raison à critiquer de manière extrêmement virulente la culture de masse, la domination technocratique. Il ne faut pas perdre le point de vue à partir duquel les choses peuvent être critiquées radicalement. Alors, critiquer radicalement d'un point de vue qui, justement, est problématique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ça va mieux, donc ça va mieux, laissez-nous vivre. Hein. Ayons le sens des compromis, de l'adaptation, etc. Voilà. Donc, compromis, adaptation, voilà des mots qui mettraient Adorno dans une sorte de colère noire. Mais c'est la crise du marxisme allemand qui a lieu, d'ailleurs, au moment, l'avènement de l'école de Francfort et même qui va se poursuivre, entre d'un côté une espèce de dogmatisme révolutionnaire et de l'autre un compromis pragmatique en fait. Et l'école de Francfort propose une troisième voie, on peut le dire ainsi, donc qui serait une espèce de revendication d'une indépendance intellectuelle en tout cas. Voilà, tout à fait. C'est ce que dit Peter Gay dans Le Suicide de la République, un classique de l'histoire de cette époque-là. Il place l'école de Francfort dans une sorte de cercle de la raison, hein, c'est-à-dire ceux qui ont refusé les grandes alternatives de la gauche allemande à cette époque, la gauche allemande qui évidemment s'est beaucoup entretuée et ce qui n'a pas eu des effets historiques glorieux. Donc il y a une sorte de retrait dans la théorie, ça c'est quand même inévitable. Donc souvent on a dit c'est une pensée de l'exil, c'est inévitable. Après c'est quelque part, entre des positions, je pense aux climatologues contemporains qui signent des pétitions depuis très longtemps, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Même quand ils sont unis, qu'ils prennent position dans le débat public, etc. Bon. Donc la capacité, je pense que c'est au cœur de ce que l'école de Francfort essaye de théoriser, la capacité qu'a le monde moderne avec son État, son administration, ses grandes industries, etc., à se transformer, est extrêmement problématique. Et c'est cette inertie-là. Donc c'est une critique du progrès ? C'est une critique des formes qu'a pris, qu'a pris le progrès. Ça c'est très clair. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est dialectique, c'est-à-dire que on a cru qu'on ne ferait que tirer les bénéfices, du développement de la science, du développement des grandes industries, de la révolution industrielle. C'est vrai qu'on en tire des tas de progrès, la hausse du niveau de vie, etc. Mais en même temps, on est embarqué dans une sorte de machine, je parlais de la cage d'acier tout à l'heure, oui. Dans une sorte de machine qui a une inertie extrêmement grande et qui a des coûts latéraux qui sont beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais alors pourquoi continue-t-il à croire au marxisme ? Pourquoi ne pas rompre directement avec le marxisme ? C'est pour ça qu'il faut ajouter au vin du marxisme beaucoup d'autres choses. Alors, ce n'est pas forcément de l'eau, parce que ça ne donne pas quelque chose de moins coloré, mais il faut ajouter au marxisme d'autres compétences qui permettent d'expliquer pourquoi ça n'a pas suivi le cours que le marxisme avait prévu. Une des grandes figures, même si c'est une figure timide d'arrière-plan, c'est l'économiste de la bande, c'est Pollock. Donc voilà, Pollock, au tout début des années 30, dit effectivement, c'est pas la révolution qui va s'accomplir, c'est une concentration de plus en plus grande du pouvoir politique et du pouvoir économique, les deux étant fonctionnellement liés. Et donc ce qui disparaît en fait, c'est les conditions sociales dans lesquelles on pourrait imaginer une généralisation des idéaux émancipatoires du XVIIIe siècle. Friedrich Pollock, économiste, écrit en 1933, la date n'est pas anodine ceci, « Ce qui se termine, ce n'est pas le capitalisme, mais seulement sa phase libérale. Sur les plans économiques, politiques et culturels, il y aura à l'avenir, pour une majorité d'hommes, encore moins de liberté. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le capitalisme peut-il ne pas être libéral ? Les deux sont liés. Alors ça renvoie justement aux transformations du capitalisme de la fin du 19e siècle. Le capitalisme se concentre, on a des grosses industries, à l'intérieur de ces grosses industries, vous n'avez pas simplement des ouvriers et un patron, vous avez des ouvriers qualifiés, des cadres, des ingénieurs, des départements de recherche et de développement. Donc la science, le savoir est absorbé par les grandes entreprises dans des objectifs de puissance et ces très grosses entreprises qui emploient des milliers de personnes, évidemment, elles doivent faire des investissements sur le long terme qui sont extrêmement massifs. Tout doit être contrôlé, en fait. Tout doit être contrôlé. Donc, en fait, le format du capitalisme libéral naissant, je pense à Molière, le bourgeois gentilhomme, etc., tout ça, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a des très grandes entreprises. Alors, c'est très allemand aussi, parce qu'en France, tout ça, nous, on est un pays encore très largement rural, etc. Donc, la grande modernité mécanique des grandes métropolises, disons, l'expressionnisme allemand. Voilà. Souvent, c'est ce que je dis, c'est un peu une formule. En Allemagne, ils ont les expressionnistes, nous, on a les impressionnistes. Donc, nous, on a les bords de la Seine, toujours avec les coquelicots. Alors que là-bas, c'est les grands, les grands immeubles, l'espace urbain, les grandes industries. À Francfort, aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, donc il y a cet arrière-plan qui est très important. J'ai oublié ce que je voulais. C'était sur la citation de Pollock. Et donc ce que nous dit Pollock, c'est que la dynamique de la révolution industrielle va finir par écraser les individualités par des mécanismes. C'est ce que dit Marx. Pour Marx, c'est l'exploiter, c'est les écraser du point de vue de l'exploitation, et là c'est du point de vue organisationnel. Donc c'est une manière de dire, en fait, si on veut garder notre niveau de vie, si on veut garder une société très productive, en fait, on sera obligé d'avoir des grandes chaînes hiérarchiques, on sera obligé d'être dans des formes d'organisation qui donnent à la domination une tournure qui n'est plus celle de l'exploitation. Marx, vous savez, ça c'est les textes de 1845, Marx imagine très bien une centralisation du pouvoir démocratique, etc., administratif. Il n'en imagine pas les pathologies extrêmement puissantes, la rigidité à laquelle ça correspondra, etc. Ça c'est sûr, il y a quelque chose de très fort comme ça. Et lorsqu'ils partent aux États-Unis... À quel moment est-ce que l'école de Francfort traverse l'Atlantique ? Alors, il part par morceaux. Horkheimer est révoqué en 1933. Il va d'abord se réfugier en Suisse parce qu'il avait prévu, monté une sorte de succursale de l'Institut en Suisse. Et ensuite, il part aux États-Unis assez vite. Aux États-Unis, ils vont réinventer l'Institut, mais ils auront des problèmes financiers et donc ils vont devoir se séparer d'un certain nombre de leurs collaborateurs. Je suis retombé là pour préparer l'émission sur une lettre tragique d'un des collaborateurs, Neumann, qui ne peut pas être gardé. On est en 41. Et il va être obligé d'aller travailler pour l'administration américaine et il dit... je me suis toujours senti comme un membre de l'Institut. Il y a une sorte de communauté de vue que j'ai développée. J'ai travaillé dans des directions qui sont complètement en relation avec l'Institut. Et vraiment partir maintenant, c'est tous ceux qui doivent quitter l'Institut le conçoivent comme un crève-cœur, comme une sorte de drame personnel. Ce qui montre bien que Horkheimer avait réussi à créer quand même une sorte de communauté de travail très précieuse. Alors évidemment, en plus, c'est l'exil, etc. Bon, et puis en 49, après la guerre, ils reviennent. Voilà, ils reviennent. Horkheimer reste à cheval, il continue à enseigner en partie aux États-Unis. Adorno revient. Disons, alors ça c'est très important pour comprendre la succession des générations. Ils reviennent avec le sentiment que oui, 1945 c'est la défaite du fascisme, mais reste en place un certain nombre des mécanismes fondamentaux qui ont permis le fascisme. La cage d'acier, l'inertie, la grande organisation, etc. Tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et aussi, évidemment, beaucoup d'individus qui ont pris part à la machine nazie. Et voilà, la dénazification, elle leur semble extrêmement relative. Alors ça, c'est ce qui sépare justement avec la seconde génération, Habermas, qui, lui, pense que la défaite du marxisme est ce sur quoi il faut faire fond pour réinventer le programme de la théorie critique. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1944, est élaboré un ouvrage qui s'appelle « La dialectique de la raison ». Les auteurs sont Max Horkheimer et Théodore Adorno. Le but, c'est de reconstituer l'histoire du processus de civilisation en méditant sur l'aspect destructif du progrès, on va dire, puisque ça, on en a dit deux mots, et de repenser donc le principe de raison pour expliquer cette faculté qu'ont les masses, et ça ils savent de quoi ils parlent, puisque encore une fois ils sont les premiers, les mieux placés pour le voir, qu'ont les masses à se laisser fasciner par une forme de despotisme. Comment ça se fait que des êtres éclairés par la raison peuvent en venir à une telle fascination qui a conduit au fascisme? Eh bien, un des exemples qu'ils prennent pour montrer qu'il y a une utilisation de la raison qui est mortifère, qui est plus qu'utilitaire, qui est destructrice, c'est Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Voici un extrait d'Ulysse qui rencontre le cyclope Polyphème et qui, grâce à sa ruse, Ulysse est connu pour sa ruse, eh bien, va mutiler Polyphème et, ce faisant, peut-être montrer que la raison ne produit pas toujours des gens heureux. Cyclope, tu dois être bien fatigué. Ne voudrais-tu pas, pour te donner de nouvelles forces, boire de ce vin noir? C'est bien. Donne-moi encore du vin, mon brave, et dis-moi ton nom. Eh bien, sache que je m'appelle Personne. Eh bien, Personne. Le cyclope se renversa sur le dos et s'endormit lourdement. Alors, Ulysse et ses amis prirent le pieu qu'ils avaient fabriqué pendant la journée. Ils le portèrent contre l'œil du cyclope. Dès que celui-ci en fut touché, il hurla de douleur et appela au secours tous les autres cyclopes qui vivaient dans les îles voisines. Venez à mon secours, Polyphème ! Est-ce qu'on est en train de te tuer ? Oui ! C'est Personne qui me tue. Personne ne te tue. Alors, pourquoi cries-tu ainsi? Maudit Personne. Tu peux être content de ta ruse. Alors, au sein de l'ouvrage Dialectique de la raison, on trouve des digressions, en fait. L'une d'entre elles porte sur Ulysse ou Mythe et raison. Et Adorno et Horkheimer décrivent là, tiennent Ulysse et plus largement l'Odyssée comme un témoignage de la dialectique de la raison, c'est-à-dire que la ruse d'Ulysse serait une forme d'avènement d'une raison bourgeoise qui consiste à dominer la nature au prix d'une répression de sa nature. C'est une bonne manière d'illustrer leur position par rapport à cette dialectique de la raison, n'est-ce pas, Jean-Marc Durand-Gasselin? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que une des grandes thèses, alors qui s'élabore chez Horkheimer dans les années 30, parce qu'il pense au cercle de Vienne, c'est cette idée que la raison peut être réduite à une de ses parties. Voilà. Et c'est la partie à laquelle elle peut assez facilement se réduire, c'est la partie du calcul, c'est la rationalité instrumentale, comme dirait Weber. Et donc il y a cette idée que cette rationalité instrumentale, elle est dominatrice et qu'elle n'est pas connectée au tout. Et elle se confond très rapidement, voilà, avec la ruse. C'est une manière pour eux d'essayer de chercher dans les documents de la culture, évidemment classique, le grand document de la culture classique, le germe des dialectiques de la modernité que j'ai évoquées, la cage d'acier, etc. Donc, évidemment, ça a une dimension de provocation. Et cette dimension de provocation, elle peut être lue à plusieurs niveaux. Elle peut être lue aussi, j'allais dire, comme la volonté marxisante délibérée de faire une critique d'une certaine culture grecque qui a été idéalisée par une partie du romantisme allemand et ensuite utilisée pour enluminer, envelopper, justifier, etc., l'entreprise nazie. C'est un texte qui a des résonances multiples, qui a des dimensions de provocation assez réjouissantes par son caractère provoquant. Mais cette idée d'un pessimisme concernant l'utilisation d'une raison qui serait réduite à ses fins calculatrices et soumise à une forme de technique, c'est ce qu'on lit chez Heidegger aussi, par exemple. Quelle différence ? Alors justement, vous avez parlé du principe de raison tout à l'heure, ça fait exactement penser à Heidegger. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de la manière dont on peut lire ce texte comme ça un peu vite, et de la manière dont on pourrait le rattacher aux autres grands pessimismes du siècle. Voilà, donc Heidegger, le principe de raison, la technique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit le texte dans le détail, on s'aperçoit que la réduction de la raison à la ruse est liée à des mécanismes sociaux de domination. Et donc, même si... Alors, c'est un texte, il faut savoir que la dialectique de la raison, c'est écrit aux États-Unis. C'est un livre écrit à quatre mains, Horkheimer et Adorno. La référence à Marx aux États-Unis en 1940, forcément, doit être masquée, voilà, cryptée. Donc, ce qu'il faut plutôt avoir en tête, à mon avis, pour éclairer ce texte sur Ulysse, c'est la manière dont la révolution française n'a pas abouti à ce à quoi elle aurait abouti. C'est-à-dire l'hédonisme pour tous, un certain luxe pour tous, un certain bonheur pour tous, et en quoi la raison va se réduire de manière de plus en plus forte au XIXe siècle. Et donc le texte d'Ulysse renvoie à la manière dont la raison inauguralement a pu préparer son ambivalence lorsqu'elle s'est combinée à des mécanismes sociaux de domination qui sont des mécanismes marxiens, mais qui sont évoqués de manière assez discrète dans le texte. Mais on voit très bien ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, il faut lire de la littérature économique contemporaine, etc., pour voir comment les idéaux de la raison peuvent être complètement retournés en leur contraire. C'est-à-dire, il n'est question que de rationaliser, moderniser, il n'est question que de profit, etc. C'est une certaine forme de raison. Alors, pour que le portrait de cette école de Francfort soit complet, même si ça n'est qu'une esquisse aujourd'hui en votre compagnie, il faut ajouter une dimension donc qu'on n'a pas évoquée, qui est pourtant présente. On a insisté sur l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité au sein de l'Institut. On aura compris l'importance de l'économie, de la sociologie, enfin de la philosophie sociale en tout cas, de la science. Et on y trouve aussi une branche qui, elle, s'intéresse plus particulièrement à la psychanalyse. Avec la personne d'apprendre d'Eric Fromm, comment on justifie la place de la psychanalyse dans cet institut ? Alors la place de alors déjà Freud est considéré par un certain nombre d'esprits avancés en Allemagne, etc., comme incontournable. Ça c'est la première chose. Ensuite, Fromm Lee Reich, hein, la future superstar de la libération sexuelle, etc., qui a écrit, qui a déjà fait un ouvrage de caractérologie sociale, c'est-à-dire qui a essayé de rallier la structure des personnalités, donc pas forcément les maladies psychiques, hein, c'est la structure de la personnalité aux tendances sociales. Et Fromm va être un des premiers à théoriser l'idée selon laquelle chez les ouvriers, chez les employés, pour des raisons qui tiennent à des conditions sociales, se forme ce qu'il appelle un caractère autoritaire, qui a un certain type de dispositif pulsionnel enkysté dans la personnalité et qui fait que on aime ce que l'on devrait détester. Et cette ambivalence va se traduire par le fait qu'il faut qu'on se déleste de cette ambivalence sur des groupes. Voilà. Disons par exemple les Juifs. Et donc les contradictions d'une personnalité qui est dominée mais qui s'illusionne sur ceux à qui elle donne son obéissance, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve qu'on retrouve aujourd'hui. Je m'étais dit que j'écrirais un texte sur la caractérologie sociale de Trump, par exemple. On a typiquement ça. Je veux dire, c'est à la fois on admiration pour les milliardaires et en même temps très profonde ambivalence. Et cette ambivalence se retrouve, voilà, on va détester des groupes dominés. Voilà. Donc la psychanalyse intervient ici non pas comme outil thérapeutique individuel, mais comme outil de construction de types sociaux liés aux tendances sociales. Et donc dans la première grande étude classique, hein, l'autorité et la famille, Fromm va montrer en quoi, va essayer de faire une étude statistique avec des entretiens, évidemment on est dans les années 30, là, l'institut est ballotté, c'est pas très commode, en essayant de montrer en quoi, eh bien, suivant la place qu'on occupe dans la société, les chances qu'on a de développer un caractère autoritaire, c'est-à-dire cette sorte d'ambivalence, eh bien, va être très différenciée. Voilà. La théorie au sens traditionnel, créée par Descartes, telle qu'elle est encore à l'œuvre dans tous les domaines de la science spécialisée, ordonne l'expérience à partir d'une problématique corollaire de la reproduction de la vie à l'intérieur de la société dans son état présent. Les systèmes des différentes disciplines contiennent les connaissances sous une forme qui, dans les circonstances données, les rend utilisables dans un maximum de cas. La genèse sociale des problèmes, les situations réelles dans lesquelles elle est utilisée, les buts auxquels elle est appliquée, lui apparaissent comme situées en dehors d'elle-même. La théorie critique de la société, elle, prend pour objet les hommes en tant que producteurs de la totalité des formes que leur vie revêt dans l'histoire. Les conditions de la réalité, desquelles la science procède, ne lui apparaissent pas comme des données qu'il s'agirait seulement de constater et de prévoir selon la loi des probabilités. Ce qui est donné en toutes circonstances ne dépend pas seulement de la nature, mais aussi des pouvoirs que l'homme exerce sur elle. Les objets et le mode de leur perception, la problématique et le sens des réponses qui lui sont apportées témoignent d'une activité humaine et du degré de sa puissance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Vous allez m'en vouloir, Jean-Marc Durand-Gasselin, et vous aurez raison. Terriblement. Non seulement parce qu'on a gardé le texte le plus compliqué pour la fin, mais on peut se dire qu'au moins maintenant, grâce à vos explications, on a des éléments en main pour le comprendre. Mais surtout parce que je vous donne 3 minutes pour expliquer le concept central de l'école de Francfort, à savoir la théorie critique qui s'oppose, on l'a entendu dans le texte, à la théorie traditionnelle. Qu'est-ce que la théorie critique, Jean-Marc Durand-Gasselin ? Alors, la théorie critique a conçu sa forme par opposition justement à la théorie traditionnelle. Donc, ce que Horkheimer considère comme une théorie traditionnelle, alors il en fait une sorte de lignage qui remonte à Descartes, au discours de la méthode de Descartes, c'est l'idée selon laquelle la philosophie et les théories traditionnelles en général essayent d'expliquer une partie de la réalité de manière désintéressée, ce désintéressement étant leur caution d'une certaine façon d'impartialité, d'objectivité, et en quoi ces informations pourront ensuite être utilisées éventuellement pour la prospérité générale, comme on le voit dans le texte de Descartes. La théorie critique ne prend pas pour objet une partie de la réalité, mais autant que c'est possible, la totalité de la réalité sociale dans ses contradictions. Donc il y a une différence d'objet. La deuxième différence fondamentale, c'est que la théorie critique, elle est intéressée. C'est-à-dire qu'elle ne se pense pas comme désintéressée, c'est le contraire. Elle pense que il faut s'intéresser à l'émancipation des hommes. Et la raison pour laquelle Marx est une référence fondamentale, c'est que tous les concepts marxiens, plus-value, etc., contradiction sociale, etc., sont des concepts qui ont une relation intime avec l'émancipation humaine. La troisième propriété, vous m'arrêterez. Non, c'est bien. Au contraire, allez-y. C'est qu'elle est interdisciplinaire. Pour connaître la totalité des contradictions sociales, il faut multiplier les disciplines. Et donc, au lieu de jouer le jeu de la dispersion et de l'insignifiance programmée des informations données par des sciences qui sont parcellisées, etc., eh bien, au contraire, il faut réunir pour éclairer, pour produire justement cette communauté de pensée riche de débats, riche de fusions, de combinaisons, de tricotage intellectuel que Horkheimer a réussi à produire et qu'on retrouvera aussi chez Habermas et chez Honneth. Ça veut dire que le reste de l'histoire de la philosophie était trop abstrait ou trop gratuit ? Ça veut dire que le reste de l'histoire de la philosophie doit être éclairé à partir d'un certain niveau de développement des sciences. C'est-à-dire que les sciences humaines ont explosé à la fin du 19e siècle, les sciences de la nature ont explosé. Bah, vous avez d'un côté le cercle de Vienne qui pense qu'il faut faire absolument la théorie des révolutions intellectuelles et symboliques de la science avec l'invention de la nouvelle logique et avec la mécanique de relativisme d'Einstein. Et bien de la même façon, dans les sciences humaines, et bien il faut rassembler, réinterpréter, éclairer les unes par les autres les différentes parties du savoir, sinon c'est l'aveuglement programmé. Et cet aveuglement programmé est évidemment complice d'une domination qui utilise des informations partielles pour transformer partiellement la réalité. La critique est la meilleure arme contre la domination. La critique est la meilleure, et la forme que prend la critique dans une théorie interdisciplinaire intéressée à l'émancipation, est la meilleure arme contre la domination. Exactement. Merci Jean-Marc Durand-Gasselin, bravo. Merci d'être venu nous parler de l'école de Francfort. C'est le titre de votre livre qu'on trouve chez Gallimard, dans la collection Tell. Je rappelle que vous enseignez la philosophie en Cagne à Orléans. On se quitte avec la critique, la critica d'Alberto El Canario. La gente, si a mí la crítica me mantiene, dicen que llego a los bailes con un tumbao sin igual, que cuando salgo a la calle no le quiero hablar a nadie, y hoy las gracias quiero dar a todos los que critican por hacerme popular. Yo soy artista, a mí me hace la crítica, y a todos los que felicitar, porque me tienen presente cuando van a murmurar. Yo soy artista, a mí me hace la crítica. Yo soy artista, a mí me hace la crítica. Gracias miles quiero dar a todo el que me critica por mantenerme presente en cada una de sus cuartillas. En dansant la salsa à Saint-Domingue, que vous pourrez par exemple lire La dialectique de la raison de Max Horkheimer et Théodore Adorno, dont nous avons parlé ce matin, disponible aussi chez Gallimard, également dans les collections Tell. On poursuivra cette série sur l'école de Francfort demain, bien évidemment. Mais il est l'heure, comme tous les jours, sur France Culture, les chemins de la philosophie, de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, en ce lundi matin, vous nous racontez votre expérience avec Kanye West. Oui, rappeur, producteur, compositeur, interprète, Kanye West est depuis les années 2000 l'un des plus gros vendeurs de l'industrie musicale, le cauchemar d'un philosophe de l'école de Francfort avec ses millions d'albums vendus et de téléchargements. Mais si je vous parle aujourd'hui de lui, ce n'est pas pour lui, mais pour évoquer un phénomène. Fin octobre, en effet, j'ai voulu écouter son dernier album. N'ayant pas accès à une plateforme d'écoute à mon travail, je suis allée bêtement sur Google. Et là, je suis tombée sur des dizaines de vidéos, non pas de Kanye West, mais de ses auditeurs. Voilà le phénomène, les vidéos réactions, ou des personnes filmant leurs réactions à l'écoute de la dernière fournée du rappeur américain. This nigga, bro, I promise you, I'm going to listen to that song in the morning. We are here. All the Kanye fans are here. It's, what are y'all not hearing? This was good, Terrence, but let's not act like we didn't listen to some bullshit with the Chick-fil-A song. That shit was fire! Seul ou à plusieurs, entre inconnus ou entre amis ou en famille, ces vidéos montrent, comme leur nom l'indique, des réactions de personnes à ce qu'ils écoutent ou à ce qu'ils voient. Apparu dans les années 70 au Japon, ce type de vidéo montrait au début des vedettes réagir à des clips vidéo. Mais c'est dans les années 2000, avec Internet et sa viralité constitutive, que ces vidéos prennent de l'ampleur et dépassent le cercle des stars. Que ce soit face à des extraits scatophiles ou aux meilleurs rebondissements de séries, n'importe qui peut montrer sa réaction sur le vif, mais n'importe qui peut aussi regarder cette réaction en boucle. Mais pourquoi faire ça ? Eh bien, au début, je ne voulais pas du tout être parasitée, avoir la pureté et la spontanéité de mon jugement réchauffé, révisé ou contaminé par d'autres que moi en les regardant ou en sachant qu'ils me regardent. Pourtant, cette première impression a vite disparu. Et oui, je me suis prise de passion pour ces vidéos réactions. J'y ai vu non pas le narcissisme de ceux qui se filment, ni le jugement de goût réduit à une émotion fugace, mais le moyen, au contraire, de prolonger et de partager une œuvre d'art aujourd'hui. Fin avril 2019, l'une des résolutions majeures de la série Game of Thrones a eu lieu. Sur cette vidéo, on voit des fans de la série, on les entend aussi, et dans le coin, en bas à gauche de l'écran, on voit ce qu'ils sont en train de regarder. On suit donc simultanément et la scène et la réaction des spectateurs à cette scène. Par un effet de miroir, nous sommes à la fois spectateurs de la série et des spectateurs. Mais soyons honnêtes, on ne regarde jamais une série comme ça. Alors, pourquoi quand même regarder ce genre de vidéo ? Où est le spectacle ? Dans la série ou chez ceux qui la regardent ? Qu'apporte la réaction des autres que moi ? Eh bien, il y a d'abord, je crois, le plaisir de revoir une scène qui nous a marqué. Mais plus précisément, il y a le plaisir non pas de voir cette scène, mais de la voir telle qu'elle nous est apparue pour recréer la même sensation, comme un premier shoot, pour l'analyser, la décomposer et jouir de notre propre sensation. C'est le plaisir de revivre une scène intacte. Et si possible, de la revivre intacte à plusieurs, même virtuellement. C'est la deuxième raison qui justifie, je pense, ces vidéos. Non pas pour se confirmer qu'on a eu la bonne réaction, mais pour recevoir et communiquer une sensation qui nous est intérieure et souvent indicible. Waouh, je pense que c'est le moment d'y aller. C'est un signe du destin. C'est un signe du destin, frère. Oula, oula, oula, il va venir ! Waouh, waouh, waouh ! Il est derrière moi ! Il est derrière moi ! Il est derrière moi ! Il est derrière moi ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Série, album ou jeu vidéo, on a vu dans les vidéos réactions une régression infinie, d'écran en écran, de réaction en réaction, égocentrique et réduite à des émotions sans fond. C'est d'ailleurs l'argument, par exemple, des anti-Netflix qui regrettent les salles de cinéma où on était vraiment avec des gens, en vrai, devant l'écran. Il se joue pourtant avec ces vidéos le principe même de l'intersubjectivité dont Kant parlait pour les œuvres d'art. Car plus que dans une salle obscure où je ne regarde jamais les autres réagir, j'ai face à moi des êtres spontanés qui, comme moi, ont été touché le montre sans phare et dont les réactions assemblées ont plus de nuances et de sincérité que les mots d'un critique spécialisé. On pourrait mettre en place, Géraldine, une vidéo des auditeurs et leurs réactions au moment de l'émission. Mais j'adorerais, ce serait hyper vous bien. Pensez qu'ils crient derrière leur poste. Crient de joie au moment de l'explication de ce qu'est l'école de Francfort. Bon, si vous avez des vidéos, envoyez-les nous et vous pouvez aussi réécouter la chronique de Géraldine sur le site du journal de la philo. « Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'école de Francfort. Demain, nous serons en compagnie de Julia Christ et on parlera de la Kulturindustrie. Théodore Adorno et Walter Benjamin en guerre contre cette industrie culturelle. De quoi s'agit-il ? Elle vous expliquera tout à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission introductive à l'école de Francfort en compagnie de Jean-Marc Durand-Gasselin en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram où l'équipe des Chemins de la Philosophie anime des comptes et attend vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.